conneries, texte plein, conneries, texte plein, conneries, paye ta connerie. C'est le son des sales parce qu'ils sont restés déco. Ce sera comme le Sénat, ça volera pas bien haut. Oh, mensonge et omission, une seule idée c'est qu'on forque l'État. Perdu entre alcool et religion, l'humanité fait une crise de foi. Prise de poids, l'ambiance est lourde comme une prise d'otage. Méprise totale, me parle pas de droit. Veulent de l'honneur, méritent juste un doigt. On nous contrôle, on nous manipule. Sans branle de tout quand on n'en peut plus. Empoisonné de fines particules, tous dans la merde, ils ne pensent qu'à leur cul. J'observe le monde, t'es au bout du zeub. Autour de toi, y'a que des bouches de salope. J'allume le stud, j'fais un buzz et j'crache la foudre dans tes trompes de falope. Texte plein, connerie, texte plein, connerie, texte plein, connerie, paye ta connerie. C'est le son des sales parce qu'ils sont restés déco. Ce sera comme le Sénat, ça volera pas bien haut. Rose verte, grosse tige, ça vole pas haut. Ouais, j'ai le vertige, gros terre, gros spliff. J'aime mon nuage, j'espère que tu biches. Personne ne bouge que des automates. Tous les mains sales, le monde agonise. On lave pas la terre au percarbonate. Belle éclat, neige ou la mer carbonise. Tout dans le paraît que des mauvais acteurs. Tous se bégayent quand ils sont pris de court. Politicien, oui, c'est comme un dealer. C'est pour les pigeons que sont faits les discours. Tu vois la tête par la barre cachée. Tout le monde est sain comme les bien pépés. Tout ce qui est blanc finit par tâcher. Je suis venu, j'ai vu et j'ai partagé.